Ma cliente, quand elle a cassé son pare-brise, elle a fait carglass directement. Pour elle, c'était important qu'on l'ait mis. Mais chez carglass, pas de problème. Son pare-brise, on l'avait. Pour le remplacement de vitrage auto, on a le plus grand stock en France. Et pour pouvoir intervenir si vite, il n'y a pas de secret. Vaut mieux avoir le plus grand stock. En fait, si vous voulez avoir un rendez-vous vite et que vous attendez une qualité impeccable, contactez carglass maintenant. Prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez le 0800 77 24 24. Bonjour à la Marseillaise à Shanghai, plutôt deux fois plus, double médaille d'or pour la France aux mondiaux de natation. Camille Lacour et Jérémy Stravius ont fini ex aequo à la première place du 100 mètres d'eau. 52 secondes et 76 centièmes exactement. Impossible de les départager. Les deux Français deviennent les deux premiers champions du monde français de la natation. Le reste de l'actualité, toujours dominé par la Norvège, Anders Breivik pourrait être poursuivi pour crime contre l'humanité. C'est ce que demande la police norvégienne. Par ailleurs, on en apprend plus chaque jour sur ses motivations. L'avocat d'Anders Breivik a expliqué qu'il était dément, que des examens psychiatriques devraient avoir lieu. Anders Breivik a confié à son avocat qu'il détestait tous ceux qui croient en la démocratie. Et toujours, selon son avocat, il ne montre aujourd'hui aucun signe de commisération pour les victimes. La famine dans la corne de l'Afrique, 12 millions de personnes sont menacées en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. Selon l'ONU, il faudra 1 milliard de dollars d'aide pour les sauver. Les pays donateurs doivent se réunir demain au Kenya. Mais la situation est critique. 40 000 personnes convergent en ce moment vers la capitale somalienne, Mogadiscio, à la recherche d'eau et de vie. Au Maroc, 78 morts et 3 blessés graves dans un accident d'avion militaire dans le sud du pays. C'est le plus grave accident aérien au Maroc depuis des décennies. Christine Lagarde, la patronne du FMI, donne des...